tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, après la crise, demain est-il un autre jour? Une série de Marie Chartron réalisée par Doria Zénine. Au départ de cette série, il y a cette crise sanitaire dont on voudrait voir la fin et cette envie de visiter en archive d'autres lendemains de crise, dont ceux pleins d'espoir de l'après-Seconde Guerre mondiale. Alors pour commencer, les personnages. Un homme qui est rentré, une femme qui a eu froid, Georges Perec, un ministre qui promet, un historien entre deux, des femmes qui votent, Gréco, Aron, un journaliste et des députés. Ensuite, le décor. Des épopées, des camps, des jeux d'enfants, le retour à la normale, la paix, le rationnement, des ersatz, le CNR, la nationalisation, les houillères, le vote, le plan Marshall, des maisons en kit, une liaison avec New York, le communisme et un slip en coton américain. Aujourd'hui, premier épisode, il y a de la joie. Deux avions alliés. Tous les visages se tournent vers le ciel et les gens applaudissent. Ils sont heureux, heureux comme ils ne l'ont jamais été. Reconstruction, redressement, rénovation de la France. Nous ne réaliserons pas ces grandes choses sans une lutte de tous les instants. En vérité, pour que nous atteignions notre but, c'est une troisième bataille de France qu'il va falloir livrer. La première de ces batailles, nous l'avons perdue en 1940. La deuxième vient d'être gagnée. La troisième bataille de France ne sera pas une bataille sanglante comme les autres, mais elle aussi sera vitale, car de son issue dépend l'avenir de la France. C'est vraiment une atmosphère qui défie la description. On ne sait pas quoi dire. Il n'y a pas de manifestation organisée, mais c'est une manifestation de joie et de bonheur. Profond, profond. 1945, le retour des déportés. Dites-moi, madame, ça vous fait plaisir de voir cette musique en jour? Oh, je pense bien, monsieur, vive l'armée française! Vive la France! Hein, t'es content, oh, hein, monsieur? Formidable, hein, formidable! C'est pas si grave! Alors, c'est bon d'être content d'avoir gagné, on tâchera de faire mieux la prochaine fois! Allez, dis, je suis content, papa est rentré hier soir! Non, papa est rentré hier soir. T'es contente? Je m'en vais sans croire. Il reviendra, monsieur, certainement. Et bientôt, je vous assure, maintenant la guerre est finie et tous nos prisonniers et tous les hommes qui sont là-bas vont revenir très vite, je vous assure, très vite. Après-guerre, espoir et renouveau. Marie Chartron, Doria Zénine. 5 ans et demi de guerre s'achèvent. La France compte plus de 500 000 victimes civiles et militaires. Brest, Caen, Le Havre, Lorient, Saint-Nazaire, Cherbourg, Évreux, Saint-Malo et Rouen sont en ruine. Plus de 2 millions de bâtiments sont endommagés. Plus d'un million de familles sans abri. Après la guerre viennent les chiffres du désastre. Mais quand l'après-guerre commence-t-il? Il y a la minute des retrouvailles, celle du plus jamais quand on apprend la mort d'un proche. Le temps suspendu de l'espoir, la phrase qui nous projette dans l'avenir, les longues années de reconstruction. Les temporalités se superposent et se brouillent. Cet après commence peut-être par un retour chez soi une fois la tourmente passée, à la fois familier et autre. Georges Angerville, prisonnier pendant 5 ans dans le Stalag 3B en Prusse, à l'actuelle frontière polonaise, se remémore en 2000 sa longue route vers Buxy, près de Chalon-sur-Saône. Je me rappelle, on mangeait du pissenlit, on mangeait cuire des escargots comme on pouvait. Puis alors, dans les maisons, il n'y avait rien pour coucher. C'était tout, les Russes avaient tout enlevé, il ne restait rien. Alors on mangeait, il y avait des silos de betteraves à sucre, on faisait cuire comme on pouvait des betteraves à sucre, puis on mangeait la mélasse pour se nourrir. Ça durait quand même un certain temps, puis un beau jour, quelques heures, vers une quinzaine de jours après, la guerre a fini comme c'était le 8 mai, c'est ça, oui. Et alors, une quinzaine de jours après, tous ces prisonniers français qui se baladaient comme ça, ils les ont rassemblés pour être... Ils ont formé des camps. Alors là, on était mieux. Ils nous nourrissaient à peu près, ça allait. Mais on n'était pas mélangés avec les Russes. Hein. C'est interdit de se voir, d'avoir des conversations et autres. Et puis un beau jour, on s'est embarqué. On est parti pour Odessa. pour être rapatrié par bateau. Alors ça dure un moment, par camion, par train, par à pied, enfin de toutes les manières. Et quand on est arrivé à une vingtaine de kilomètres de Dessa, il n'y avait plus de bateau, il a fallu remonter. Et alors là, ils nous ont rapatriés sur Berlin. On était toujours avec sous le domaine des Russes, quoi. Et quelques temps après, les Russes nous ont remis aux Américains. Je suis passé sous la porte de Brandebourg. Dans Berlin en ruine. Berlin en ruine, oui. Mais la porte de Brandebourg est intacte. C'est là où a débuté le mur de Berlin après, quoi. Et on était passé aux Américains. Et les Américains vous ont... On était encore quelques temps en Allemagne, mais on était bien nourris et tout. Et ils nous embarquaient en train. Et on était rapatriés. Moi, j'étais rapatrié sur Maubeuge. J'étais libéré, en somme, à Maubeuge. Il ne se peut pas que des bouleversements généraux, enfin des cataclysmes comme ceux que nous avons connus, n'aient pas marqué dans la vie et donc dans la vie commune d'un être humain et de sa maison. Eh bien, je me contenterai d'évoquer l'exode, mon départ, mon exil, car j'ai été exilé d'elle pour une raison parfaitement délibérée. Elle a été envahie, elle a été pillée, ignoblement pillée, elle a été occupée, et comme je ne pouvais pas me résigner à certaines promiscuités, j'ai laissé la place aux occupants, et je n'y suis jamais rentré tant qu'il y a eu là des présences, à cette époque-là, ennemies. Eh bien, lorsqu'après la guerre, je suis revenu, ma maison portait toutes ces traces-là. Et cela m'a été si pénible que j'ai failli vraiment la sentir étrangère à l'époque. Et quand j'y suis revenu à la libération, eh bien, nous ne nous sommes pas retrouvés. Au point que j'ai pensé à ce moment-là l'abandonner, comme une maison qui m'aurait trahi dans une certaine mesure. Et puis, mon Dieu, j'ai passé outre. J'ai voulu quand même que la preuve fût faite plus à fond. Et j'ai bien fait, parce que il s'est produit un peu ce qui s'était produit au début. Petit à petit, nous nous sommes reconnus, nous nous sommes réhabitués l'un à l'autre, et il s'est tissé entre elle et moi des liens peut-être beaucoup plus subtils, mais en même temps beaucoup plus profonds et beaucoup plus solides qu'auparavant. Nous étions partis dans l'Orne et quand nous sommes rentrés, moi mon souvenir ça a été de voir toutes ces rues défoncées où par temps de pluie on ne pouvait pas marcher tellement il y avait de flaques d'eau, on n'avait pas de chaussures très étanches et on a été obligé de marcher même avec des sabots pour pouvoir traverser une partie de la ville. Comme ravitaillement nous en avions très peu et ça nous arrivait d'aller manger à l'Oasis. En payant, il y avait des queues qui s'organisaient là, les religieuses faisaient des repas, on avait quelques pommes de terre, enfin bref, on prenait des repas là, mais il fallait circuler en sabots. À la maison, quand nous sommes rentrés, la maison avait été brûlée par la moitié, le feu s'était arrêté à la moitié, nous avons fermé cette maison avec des grandes planches, enfin mon père a fermé la maison avec des grandes planches, des grandes toiles huilées de voiture, ce qu'on avait dans le temps pour couvrir les malles de voiture. Nous n'avions pas de carreaux fenêtres, nous avons gelé tout l'hiver. Toute la maison est descendue dessous. Ça avait été pillé par les Allemands, par les Anglais qui étaient venus aussi faire un petit tour. Et puis tout le monde autour aussi, les voisins étaient venus se servir, cas échéant. Arrivé sur Caen, mes parents habitaient boulevard Le Roy et nous avons retrouvé la maison éventrée de toutes parts, le toit percé et deux obus dans la façade arrière. Les cloisons étaient donc toutes soufflées car c'était quatre murs porteurs. Elle n'a pas été considérée comme étant à abattre. Mon père a dû attendre les dommages immobiliers pour pouvoir reconstruire. Et ce n'est que fin 45 que nous sommes revenus à Caen quand il a pu en effet aménager le rez-de-chaussée. Et je me souviens, les filles couchaient dans une salle en bas sur de la paille et les garçons dans une autre pièce, etc. Car à l'époque, par le syndicat des sinistrés, même pour une famille aussi nombreuse, il y avait tellement peu de choses que mon père n'avait touché que un couvert, quelques chaises, un lit, je crois, ou deux. Ce n'est qu'après qu'on a pu avoir un certain nombre de choses. Les Allemands demandaient nombre pour nombre. Henri Freinet. À quoi j'objectais que ce n'était pas du bétail. Ce n'était pas du bétail, mais que ça devait être catégorie par catégorie. Autrement dit, les enfants, tous les enfants contre tous les enfants, toutes les femmes allemandes contre toutes les femmes françaises. À vrai dire, cet échange nous favorisait grandement. Il a été accepté dans son principe et a reçu un commencement d'exécution. Ce commencement d'exécution, ça a été le rapatriement des femmes, toutes internées à Ravensbrück, et qui ont été rapatriées en partie par la Suisse et la plus grande partie vers les pays scandinaves où les attendait le comte Bernadotte. Et c'est ainsi que, accompagnant le général de Gaulle que j'avais convié à cette arrivée, la première de toutes, avant l'armistice du 8 mai, nous avons vu arriver ce premier train de déportés qui a été à la fois merveilleux et affreux. Mais on ne sait pas ce qu'il emportait dans nos sentiments à l'époque, si c'était l'horreur de ces femmes décharnées, certaines d'entre elles pesant 30 ou 35 kilos, ou la joie éclatante, pas délirante, qui était dans leur regard. Ça a été un moment pour le général de Gaulle et pour moi-même plus qu'émouvant, vraiment, vraiment très tragique, mais pour moi réconfortant, car c'était le signe d'une réussite partielle, limitée dans le temps et dans l'espace, mais quand même, deux mois avant, c'était impressionnant. Je me souviens qu'à la fin de la guerre, mon cousin Henri et moi marquions l'avance des armées alliées avec des petits drapeaux portant le nom des généraux commandant des armées ou des corps d'armée. J'ai oublié le nom de presque tous ces généraux, Bradley, Patton, Zhukov, etc. Je me souviens du nom du général de l'Armina. Je me souviens qu'après la guerre, on ne trouvait presque pas de chocolat viennois ni de chocolat liégeois et que pendant longtemps, je les ai confondus. Je me souviens du pain jaune qu'il y a eu quelque temps après la guerre. Je me souviens des premiers flippers. Justement, ils n'avaient pas de flippers. 1er octobre. Pour la première fois depuis 6 ans, les enfants vont apprendre à lire sans redouter le bruit des sirènes ou le fracas des bombes. Il faut que ce petit monde grandisse et s'instruise en paix. Spectacle toujours le même et toujours nouveau. Le premier jour, c'est merveilleux comme on est sage. Les maximes les plus sévères sont avalées avec le sourire. Rentrée de paix, mais encore rentrée de crise, leur trouvera-t-on des livres, des crayons, des cahiers et des souliers. Il est tout à fait naturel que vous soyez impatient de voir se réaliser au plus vite les promesses d'amélioration du ravitaillement que je vous ai faites à mon retour des États-Unis. Toutefois, je vous ai toujours indiqué que vous deviez attendre le 1er octobre pour que les résultats des importations et de la réorganisation de nos méthodes de collecte vous devinssent réellement sensibles. Pour le pain, le rationnement est maintenu jusqu'au 1er novembre, mais d'ores et déjà, j'ai pu constater que les agriculteurs, conscients de leurs devoirs, avaient livré des quantités importantes de blé pendant ces dernières semaines. La liberté sera donc rendue au pain, comme je vous l'ai promis, à la date indiquée. Vous recevrez d'ailleurs un pain meilleur que l'incorporation d'un peu de farine de soja enrichira de protéines. Dans 2 kilos de pain, vous aurez l'équivalent de 80 grammes de viande. Cela ne vaut pas un beefsteak pour votre goût, mais cela en vaut un pour la santé de vos enfants. Je vous ai promis 600 grammes de matière grasse. Vous les aurez en octobre. Nous donnerons même 750 grammes. Je sais que le mois de septembre a été difficile et que les 100 grammes de fromage ont insuffisamment compensé dans les grandes villes une quinzaine entière sans viande. Mais il fallait sauvegarder l'avenir en préservant le cheptel français d'une destruction progressive. Aussi ai-je préféré supprimer tout de suite les commissions d'achat et les impositions pour revenir à un régime normal de production faire engraisser du bétail pour l'hiver et vous assurer plus de viande pour l'année prochaine, quitte à vous imposer un court sacrifice immédiat, que de renoncer définitivement à améliorer votre ration de viande. Cela vous prouve du moins que je n'obéis pas à des préoccupations électorales. Pour les pommes de terre, la récolte est cette année la plus mauvaise que nous ayons connue en France. Je sais que certains critiques impénitents me rendront responsable de la sécheresse. Hélas, je ne puis que répartir au mieux ce que la nature nous donne. En ce qui concerne le lait, la situation est loin d'être aussi mauvaise qu'on l'a parfois prétendu. À partir de novembre, nous ne donnerons plus que du café pur. L'ère des ersatz est donc terminée. Voici donc les rations d'octobre et les perspectives d'hiver. Elles ne correspondent pas encore à votre faim, ni surtout à vos goûts. C'est qu'il faudra encore des années pour que vous puissiez reprendre vos habitudes d'avant-guerre. Mais si vous devez attendre longtemps avant de retrouver tous le beefsteak, les pommes de terre frites, le camembert et le litre de vin quotidien, vous recevrez du moins progressivement les produits nécessaires pour vivre, travailler et sauver la santé de vos enfants. Je me souviens des High Life et des Naja. Je me souviens des foulards en soie de parachute. Je me souviens des postes à galène. Je me souviens de l'époque où il fallait plusieurs mois et jusqu'à plus d'une année d'attente pour avoir une nouvelle voiture. Je me souviens que Jean Gabin, avant la guerre, devait par contrat mourir à la fin de chaque film. Je me souviens d'un apéritif qui s'appelait le Bonal. En mars 1944 est adopté dans la clandestinité le programme du Conseil national de la Résistance, intitulé « Les jours heureux ». Dans une France encore en guerre sont imaginées les mesures à appliquer dès la libération du territoire. L'établissement de la démocratie la plus large en rendant la parole au peuple français par le rétablissement du suffrage universel. La pleine liberté de pensée, de conscience et d'expression. La liberté de la presse. Son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. La liberté d'association, de réunion et de manifestation. Le respect de la personne humaine, l'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi, mais aussi l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale, une organisation rationnelle de l'économie assurant la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général, le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, etc., etc. L'historien Jean-Pierre Vernant était résistant en Haute-Garonne en 1944 et il évoque 60 ans plus tard ces mois suspendus entre guerre et paix. Alors mars 1944, en ce qui me concerne, étant donné les responsabilités que j'avais, je dirais volontiers que l'essentiel, c'était les tâches immédiates. On savait que le débarquement allait avoir lieu, il y avait ce qu'on appelait le plan vert. Bref, on raisonnait, moi j'étais à ce moment-là encore un jeune type, on raisonnait en fonction de ce qu'il fallait faire contre l'occupant. Mais on ne pouvait pas ne pas penser à ce sur quoi débouchait notre action. C'est-à-dire, bon, c'est bien joli, les Allemands s'en vont, Vichy s'écroule, qu'est-ce qu'on fait? Et par conséquent, il y avait une sorte d'unanimité dans les familles spirituelles, il y avait dans l'armée secrète et les FFI, toutes sortes de gens qui pensaient toutes sortes de choses diverses. Mais ce qui s'était forgé, c'était l'idée, d'abord, qu'il fallait chasser les Allemands, qu'il fallait chasser Vichy, et qu'il n'était pas pensable, inimaginable, nous étions naïfs, que après cela, après les épreuves, après l'effort, après le fait qu'on s'était tous frottés les uns avec les autres, tout ça faisait que, à nos yeux, on ne pouvait pas imaginer une seconde que la France d'après serait la même que celle, non seulement de Vichy, ça va de soi, mais la même que celle de la Troisième République. Et donc, il fallait faire un programme pratique, une volonté politique qui corresponde à cette certitude que nous avions que, non pas le monde, mais la France allait changer, que l'Europe allait changer, qu'on entrait dans une espèce d'ère nouvelle. la France allait entièrement se renouveler dans sa façon de vivre la communauté française, et que, ma foi, dès la libération, on a vu que les choses n'étaient pas aussi simples, mais que tout de même, à cette époque, était possible une série de grandes transformations économiques et sociales. En fait, l'Assemblée consultative a cessé de vivre, et seules les commissions pourront continuer à travailler en attendant que le peuple, à qui la parole va être rendue, désigne au suffrage universel et direct ses représentants à l'Assemblée constituante. Deux autres débats non moins importants ont eu lieu cette semaine. Le premier sur la sécurité sociale, le second, qui a d'ailleurs clôturé les travaux de l'Assemblée, sur deux propositions de résolution. L'une de Jean Bourgoin, tendant à inviter le gouvernement à réaliser la socialisation de l'électricité, l'autre de Louis Saillant, tendant à inviter le gouvernement à procéder à la mobilisation et à préparer le retour à la collectivité de la production, du transport et de la distribution de l'électricité et du gaz. Le rapport sur la sécurité sociale tend à mettre sur pied une organisation générale de la sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et à compenser les charges de famille qu'ils supportent. Le rapport sur la mobilisation et le retour à la collectivité de la production, du transport et la distribution de l'électricité et du gaz revient en réalité à une véritable nationalisation de l'ensemble industriel de cette branche d'industrie. Les houillères sont nationalisées, exposait hier M. Lacoste. L'État exploite lui-même les houillères dans l'intérêt exclusif de la nation et non au profit de particuliers. Pour y parvenir, il prend possession de toutes les installations nécessaires. À la tête du système, des mandataires de la nation exercent toutes les fonctions de direction et de commandement à la place des mandataires des intérêts capitalistes qui y étaient précédemment installés. L'élimination de cette dernière catégorie d'intérêts est vraiment la caractéristique essentielle de l'ensemble de l'opération. Ainsi, une première industrie clé, le charbon, doit quitter le cycle de l'intérêt privé pour entrer totalement dans celui de l'intérêt public. Il est nécessaire, dans notre effort de rénovation, que le charbon, source principale de l'énergie, s'insère directement dans le domaine de la nation. D'autre part, l'ouvrier, l'ingénieur, qui n'avait jusqu'ici aucun droit dans l'entreprise qui les employait, deviendraient les éléments conscients et actifs de la vie de leurs mines. Producteurs, ils participeraient à la gestion de leurs entreprises et à la direction de leur industrie. Les gueules noires qui peinent dans les galeries et ne retrouvent que le soir, le ciel et la couleur de la vie sont appelés les premiers à devenir en fait et en droit les associés de la nation elle-même. Le mineur du Nord qui vit entre son puits et son coron est aujourd'hui le pivot d'une immense expérience. Pour la première fois en France, une industrie de base va être exploitée par les mandataires de la nation et par eux seuls, dans l'intérêt de la nation et dans cet intérêt seul. L'expérience commence. Le peuple des mineurs la réussira-t-il? Regardez ces visages. Ils sauront le vouloir. Dimanche, toute la France va voter. Avant-guerre, beaucoup d'encre et de salive coulaient à cette occasion. Mais cette année, il en coule au moins autant, sinon plus, car cette année, les femmes vont voter. Comment vont-elles voter? D'ailleurs, voteront-elles? Et pourquoi ne voteraient-elles pas? Dans quel sens vont-elles voter? Autant de questions et bien d'autres que se pose chacun. Et les femmes les toutes premières, je crois. Pour y répondre, tout au moins partiellement, je vais vous faire entendre quelques enregistrements que j'ai faits ces jours-ci. Je vous demande de les écouter dans l'esprit avec lequel j'ai voulu les faire, c'est-à-dire en toute objectivité. Je me trouve actuellement boulevard Arago, il est 12h30, et je vais chercher, disons, ma victime. Je vois là-bas un gros monsieur, mais c'est pas ça qu'il faut. Ah, voilà un groupe de deux jeunes filles, et une femme charmante. Madame! Mesdames! Oui, approchez, s'il vous plaît. Pourriez-vous approcher du micro? Madame, je m'excuse de vous aborder, mais je suis en train de faire un reportage sur le vote des femmes. Et je voudrais vous demander d'abord ce que vous faites dans la vie. Vous travaillez ? Secrétaire, monsieur, oui, secrétaire. Êtes secrétaire. Et vous êtes marié ? Ah oui, je suis mère de famille. Vous êtes mère de famille ? Oui, monsieur. Et bien, justement, c'est exactement vous que je cherche. Secrétaire et mère de famille, je voudrais avoir votre opinion sur le vote en général, et plus spécialement, évidemment, sur le vote des femmes. Que voulez-vous que je vous dise ? Entendez-vous par le vote des femmes le sérieux, que nous envisageons à peu près toutes, ou la forme humoristique qui plaît tant à ces messieurs ? Ah, mais écoutez, madame, je voudrais votre opinion à vous. Alors, je crains que ce soit sérieux. Eh bien, écoutons votre point de vue sérieux. Nous avons depuis toujours fait face à des difficultés sans nombre dans le ménage. Ne serait-ce que de seconder le mari, d'élever les enfants, guider au mieux les intérêts de la famille. Et j'estime, dans ce cas, que mieux qu'un homme, peut-être, une femme est appelée à rendre de grands services. Bien sûr, certainement. Dans des questions sociales, concernant la famille, les enfants, et même l'économie politique. Et même l'économie politique. Mais madame, croyez-vous que les femmes ont actuellement, en général, une éducation politique suffisante pour pouvoir voter en tout état de cause ? Je le pense, si on n'est pas trop ambitieux, n'est-ce pas ? Les femmes sont à un début. Je pense qu'elles auront la sagesse de se cantonner dans des questions purement sociales. Je me souviens de Lester Young au Club Saint-Germain. Il portait un complet de soie bleue avec une doublure de soie rouge. Je me souviens de Ronconi, de Brambilla et de Jésus Mujica et de Zaaf, l'éternelle lanterne rouge. Je me souviens qu'Art Tatum appelait un morceau « Sweet Lorraine » parce qu'il avait été en Lorraine pendant la guerre de 14-18. Je me souviens du « Tac-Tac ». Je me souviens que les Noctambules et le Quartier Latin, rue Champollion, étaient des théâtres. Nous sommes ce soir au Palais des Expositions à Paris, où se déroule une exposition intitulée « La femme, sa vie, ses espoirs ». Nous allons donc, avec un grand plaisir, donner à celles des oratrices qui se sont fait inscrire la parole afin qu'elles expriment leurs idées et leurs espoirs. Madame, vous avez la parole. Nous ne pouvons pas dire que les ouvrières agricoles aient vraiment l'égalité. Elles n'ont qu'une seule égalité, c'est le bulletin de vote. Après, elles sont infériorisées un peu dans tous les domaines. Infériorisées dans le travail, infériorisées dans les lois sociales, infériorisées même par le ministre de l'Agriculture, qui dernièrement, dans ses arrêtés, dans les arrêtés par exemple de la Seine-et-Marne, qui accordait aux ouvrières agricoles le 90% de leur catégorie, a ramené le pourcentage à 80%. Pourtant, les ouvrières agricoles font le plus mauvais travail en agriculture. Je me suis trouvé allé justement dans les plaines d'Achères, qui sont les plaines d'épandage de la ville de Paris. Les ouvrières agricoles faisaient la cueillette des légumes, dans la boue, trempés jusqu'aux os, les mains pleines de gerçures. Et les hommes, au contraire, étaient dans un hangar à botteler et à mettre en corbeille, pour ce travail. Les femmes avaient le coefficient de 90%, c'est-à-dire 30% de diminution sur le salaire masculin, alors que les hommes, eux, avaient du 130%. Je pense qu'une seule chose, qu'on prend le travail de la femme pour l'exploitation, qui dit exploitation dit profit et la suite, je suis pour la femme au foyer. Une femme qui a un enfant doit rester à la maison. Ça, je suis homme, peut-être, excusez-moi. Mais simplement une chose, que si la femme travaille, au travail égal, salaire égal. Pas d'autres questions à poser. En ce qui concerne la mère de famille, vous n'avez rien à dire. Je pense qu'elle doit rester au foyer. Bon, je vous remercie. Il faudrait qu'elle gagne assez aussi. Et à mon avis, l'aide aux mères de famille ne doit pas être une aide qui se fait un peu par charité, comme elle se fait actuellement. C'est absolument injuste. À mon avis, toutes les mères ont droit à un certain nombre de choses, un certain nombre d'avantages. C'est ce que demande Madame Lara. C'est exactement ce que je demande, mademoiselle. Moi, personnellement, je voudrais voir le mot charité disparaître de la langue française. Je ne peux pas vous en dire davantage. Il n'est pas question de charité. Je vous le répète, je voudrais voir ce mot disparaître de. Mais je trouve justement que cette organisation est absolument mauvaise. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les résultats qu'elle a obtenus. Il y a de moins en moins de femmes qui font appel à ces aides sociales. Et ce que l'on demande, c'est de voir organiser des crèches pour qu'elles puissent y mettre leurs enfants, de voir organiser des garderies d'enfants, des lavoirs, d'améliorer les conditions de vie de la femme sans qu'elle soit obligée de faire appel à des aides de l'extérieur qui viendront chez elle de cette façon. Il y a encore une question que l'on veut poser, monsieur. Je voudrais seulement donner mon avis à un membre du jury qui, tout à l'heure, posait à l'oratrice cette question. Il demandait si, pour nos grands-mères, s'opposaient les revendications. À mon avis, je crois qu'on pourrait répondre ainsi. Tout ce qui est opprimé, tout ce qui n'a pas conscience de ce qui est extérieur, ne peut pas se dégager. On a des exemples frappants, par exemple l'esclavage. Aux Antilles, ceux qui étaient esclaves, ceux qui travaillaient dans les terres, qui n'avaient pas de contact avec les Blancs, qui les tenaient en esclavage, ne pouvaient pas avoir conscience de ce qui se passait chez les Blancs. Et jamais l'idée ne leur serait venue de se rebiffer s'il y avait eu des esclaves qui, eux, travaillaient chez les Blancs et s'apercevaient comment vivaient les Blancs. Alors à ce moment-là, voyant l'extérieur, ils se disaient, mais tiens, on pourrait bien vivre comme ça. Et ils arrivaient parmi leurs compatriotes et leur disaient, mais il faut qu'on se batte. Voilà, chez les Blancs, ça se passe comme ça. Il faut absolument qu'on s'en sorte. Et maintenant, il y a eu la guerre. Il y a eu un tas de circonstances qui sont venues. Et c'est ce qui, à mon avis, pousse les femmes maintenant à revendiquer certains droits. Vous êtes bien d'accord sur ce qui a été dit ? Je conclurai en disant que les femmes doivent avoir leur place en égalité avec les hommes, partout où elles ont des capacités en tant qu'intellectuelles ou manuelles. Il faut vaincre les préjugés. Et ainsi, nous réaliserons beaucoup plus profondément dans tous les problèmes. Nous avons acquis dans la Constitution des droits. Il faut que les femmes se sentent fortes de leurs droits, se sentent fortes de leurs capacités. Il faut qu'elles montrent toute leur force. C'est dur. Dans mes mains, je me sens forte, mais pour parler, je n'arrive pas. C'était libération totale et absolue. Libération de ce qu'ils appelaient les mœurs. Ce qu'ils appellent les mœurs, je n'ai rien compris à ça. Non plus. Il faut dire que la liberté, c'est la liberté. Je ne vois pas pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi un homme avait des droits et une femme n'avait pas les mêmes. Je ne comprenais pas du tout. Je vivais une vie tout à fait scandaleuse pour une jeune personne du sexe féminin. Je faisais ce que je voulais avec mon corps. Je le donnais à qui je voulais. Enfin, je le prêtais, en tout cas. Je n'en faisais pas ni mystère ni étalage. J'étais plutôt dans ma tête assez sage, ce que n'avait pas l'air de considérer du tout les gens. C'est vrai que j'étais excessivement dissipée, scandaleuse et dépravée. Pas ce que faire l'amour peut avoir de dépravé, mais enfin bon. Je vivais en accord avec moi-même, sans honte et sans flagornerie et sans tapage. Je suis faite pour plaire et n'y puis rien changer. Mes lèvres sont trop rouges, mes dents trop bien rangées. Mon teint beaucoup trop clair, mes cheveux trop foncés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Je suis comme je suis, je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime, et c'est ma faute à moi. Si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Je me souviens de l'époque où un immeuble de 10 étages qui venait d'être achevé au bout de l'avenue de la Sœur Rosalie était le plus haut de Paris et passait pour un gratte-ciel. Je me souviens quand il y avait des petits autobus bleus à tarif unique. Je me souviens des troisièmes classes dans les chemins de fer. Le temps des plans, des statistiques et des projections a sonné. Le bois, le béton, les vaches, les champs, les pulls au vert, les enfants et les œufs. C'est le monde tout entier qui est mis en chiffres. Pour reconstruire, il faut quantifier et optimiser le flux des humains, des vivres, du matériel et de l'argent. Importer massivement des produits et des équipements manquants, contracter des emprunts. Sur fond de guerre froide naissante, l'assistance économique des États-Unis aux pays sinistrés, ce programme de reconstruction européenne plus connu sous le nom de Plan Marshall, est formalisé à l'automne 1947 lors de la conférence de Paris. Les premières maisons préfabriquées anglaises, appelées maisons UK, sont préfabriquées en Amérique d'après le modèle des maisons bien connues de la vallée de Tennessee. Ces maisons viennent d'arriver en France et nous avons demandé à M. Kérizel, directeur du plan au ministère de la Reconstruction, de bien vouloir répondre à nos questions au sujet de ces curieuses maisons que les escargots ont inventées avant nous. Puis-je vous demander, monsieur, de nous dire combien l'Amérique nous a envoyé de maisons en caisse? Nous recevons dans nos ports de la Manche et de l'Atlantique 2000 maisons préfabriquées par mois, et ceci pendant les 4 mois prochains. Ces 8000 maisons représentent un poids total de 80 000 tonnes, réparties en 40 000 caisses de 2 tonnes chacune. Chaque maison est livrée en pièces détachées réparties dans 5 caisses de 2 tonnes chacune. Il suffit de réunir les caisses d'une même maison et d'en assembler le contenu sur les fondations. Ces maisons ont tout de même des fondations? Bien sûr, mais vous savez, ces maisons sont très confortables. Elles comportent un living room, 2 chambres à 2 lits et toutes sortes de commodités, salle de bain, cuisine, chauffage et air chaud, etc. Elles ont l'aspect d'un coquet bungalow. Et nous sommes particulièrement reconnaissants à nos amis américains d'exporter vers la France ces maisons préfabriquées, surtout en connaissant leurs propres difficultés de logement. Grâce à eux, des milliers de sans-abri vont retrouver demain un toit et des maisons confortables. Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Ce qu'on est convenu d'appeler le plan Marshall a sa signification profonde. À ses perspectives immédiates et lointaines, la Tribune de Paris consacrera son entretien de ce soir. Deux de nos interlocuteurs sont aux États-Unis. Les deux autres sont en France. À New York, Jack Jackson, directeur des hebdomadaires Time and Life, et Richard de Rochemont, directeur des documentaires de cinéma March of Time. À Paris, Raymond Aron et Jean Guimbert. Roger Goupillière, correspondant aux États-Unis de la radiodiffusion française, présentera à New York ce débat transatlantique que va mener à Paris Paul Guimard. Allô, ici Paris, j'appelle Monsieur Jack Jackson à New York, m'entendez-vous? Oui, je vous entends très bien. Bonjour Monsieur Jackson. Bonjour. Monsieur Richard de Rochemont est à côté de vous? Oui, il est à côté de moi dans le studio ici à New York. Bonjour Monsieur de Rochemont. Bonjour Monsieur Guimard. Je suis heureux de vous présenter Monsieur Raymond Aron qui est à côté de moi et Monsieur Jean Guimbert. Bonjour Jackson, comment allez-vous? Bonjour, mon vieux Guimbert, comment ça va? Ah, vous me donnez la nostalgie des belles années, mon cher. Oui, les belles années et les bons vieux jours. Vous vous souvenez quand vous êtes arrivé? Oui. Mais pourquoi vous n'êtes pas revenu? Ah bah malheureusement, vous savez, il n'y a pas tellement de dollars ici non plus. Oh là là, vous trouverez bien quelques dollars puisque vous voulez nous en envoyer, venez avec eux. Ah ben je compte venir cette année-ci, la première personne à qui je téléphonerai, ça... Bravo, je vais mettre quelques bouteilles au frais. Gardez-les bien. Soyez tranquille. Bon. Je suis confus de n'avoir pas de souvenirs à évoquer, Monsieur Jackson. Mais je suis tout de même heureux de discuter avec vous. Bon, merci bien, M. Aron. Messieurs, ces congratulations étant terminées, puis-je vous rappeler que vous êtes ici pour discuter du plan Marshall. Et puisque nous parlerons du plan Marshall, messieurs les Américains... Nous avons déjà commencé, nous avons parlé de dollars déjà. Enfin, tout de même, les Américains tirez les premiers. Je vous en prie, à vous New York. Allô, allô Paris. Oui. Et bien, voilà ici à New York en train de... d'entamer une discussion sur le plan Marshall. Oui. Et je crois que la première chose que nous devrions dire de notre côté ici, c'est qu'il y a pas mal de confusion dans le public américain sur cette fameuse question du plan Marshall. Et si vous ne le comprenez pas complètement en France, ça ne m'étonnerait pas parce qu'il y a 145 millions d'Américains qui ne le comprennent pas trop bien non plus. Jean Guilbert. Ben mon cher, c'est pas pour vous dire qu'on le comprend très bien. En effet, nous ne comprenons pas tout. Nous ne comprenons pas tout, d'autant plus que on a voulu mettre au travers de cette opération d'assistance à l'Europe des considérations politiques. Et il faut bien dire que pour certains d'entre nous, ces considérations politiques apparaissaient assez clairement à travers les discours de certains de vos hommes d'État. Alors c'est pour ça que nous ne comprenons pas très bien. Raymond Aron demande d'intervenir. J'ai l'impression que nous comprenons trop. Et que jusqu'à présent, la conversation commence, si je puis dire, à fleurer moucheté. Je voudrais, si je puis dire, prendre l'épée au lieu du fleurer moucheté. J'ai l'impression que le plan Marshall est parfaitement clair. Au plan Marshall, qui est un plan d'assistance économique, est lié d'abord une condition politique qui est que les pays ne soient pas communistes. Et j'ajoute, avec une extrême brutalité, que je trouve cette condition normale et légitime. Effectivement, aux yeux d'un Américain, un communiste n'est pas un révolutionnaire social, c'est un agent de l'Union soviétique. Par conséquent, il est normal que soit posée à l'assistance économique américaine la condition que les pays ne soient pas pro-soviétiques. Il y a une deuxième sorte de condition posée à ce plan, que je trouve désagréable mais inévitable, qui est que les Américains souhaitent surveiller d'une certaine manière la répartition de ces crédits. Là encore, je trouve qu'un prêteur a le droit de s'assurer que l'emprunteur ne dissipe pas ses dons. C'est désagréable, j'aimerais mieux d'être dans la situation du donneur que dans celle du receveur, mais je comprends. Et il y a une troisième sorte de condition politique qui heureusement a été écartée, c'est la condition qui aurait par exemple impliqué que les pays recevant l'assistance américaine cessent de faire des nationalisations ou d'être socialistes. Là, j'aurais dit ce n'est pas possible. Mais j'ai l'impression que l'opinion américaine s'en rend compte elle-même et que les syndicats américains ont dit sur ce point tout ce qu'il y avait à dire. Je pense que maintenant, vous n'aurez pas l'occasion d'être poli. Il faudra que vous soyez clair. Allô, New York, voulez-vous prendre la parole? Mais oui, écoutez, le plan est en effet dirigé contre le détournement des peuples d'Europe par une philosophie qui prétend que les besoins essentiels des peuples ne peuvent être satisfaits que par le sacrifice de leurs droits essentiels. Nous ne le cachons pas. Mais nous ne pouvons pas considérer notre attitude comme un attentat à la liberté, puisque nous cherchons à garantir la liberté. C'est, je suppose, Richard de Rochemont qui vient oui, de parler. Oui, c'est moi-même. Alors je passe la parole à Jean Guilbert. Mais nous sommes tout à fait d'accord, et je suis obligé d'être d'accord, au moins dans ce qu'il avait de définition, avec l'exposé de mon ami Aron. Seulement, voyez-vous, ce qui nous gêne, c'est que cette prise de position contre le communisme, qui s'explique parfaitement bien étant donné les conflits d'influence, risque d'apparaître aux yeux de certains Français qui ne sont pas communistes comme un conflit de doctrine, comme une manifestation du capitalisme, non pas tant contre le communisme en tant que tel, mais contre ce que nous appelons encore de ce côté-ci de l'Atlantique le marxisme et le collectivisme, si bien qu'un certain nombre de socialistes comme moi sont dans la nécessité de partager certaines inquiétudes, vous comprenez. Je comprends très bien que quand on me prête de l'argent et que j'en ai besoin, on veuille s'informer sur la couleur de ma cravate et qu'on se montre assez désappointé si elle est rouge. Mais il n'y a pas que les communistes à avoir des cravates rouges en France, vous comprenez. Et c'est pour ça que nous autres collectivistes non communistes, nous nous trouvons un petit peu inquiétés. Monsieur de Rochemont reprend la parole également maintenant. Oui, oui, notre désir est de faire reparaître le potentiel de production de toute l'Europe, de mobiliser toutes les ressources par une grande offensive contre la misère et l'incertitude. La population des 16 pays envisagés dans la proposition se chiffre à 270 millions d'habitants. Parmi eux, des ouvriers, des paysans, des techniciens, des savants et des commerçants, capable d'établir pour leur peuple des conditions matérielles de vie tout à fait égales à celles du peuple américain. Pour l'Amérique, c'est un placement de capital remboursable, non pas en argent ni en marchandises, mais par l'assurance d'un monde en paix où les êtres humains peuvent entrevoir un avenir plein d'espoir pour eux et pour leurs enfants, où ne doivent plus exister ni les menaces de guerre ni les menaces de l'esclavage. Allô, New York? Allô? Vous allô, m'entendez? Paris? Vous avez 10 secondes encore devant vous. Ah ben c'est pour se dire au revoir, Jackson! C'est pour se dire au revoir et pour vous souhaiter peut-être pas une bonne année, mais certainement une meilleure année avec toute la sincérité oui. que nous pouvons vous donner. À merci, Jackson, et pour vous Paris, aussi et pour tous les fête. Vôtres. Merci. Bon courage. Bonsoir. Bonjour, monsieur. Je voudrais avoir un costume de bain. Monsieur, quel genre désirez-vous? En laine, en toile? En laine ou en toile, désirez-vous, monsieur? Oh, en toile. En toile? Un genre slip. Genre slip. Bien, monsieur. Nous aurions un modèle dans ce genre-ci. En coton ou en laine? Oui, donnez-moi un coton. En coton? Merci, monsieur. D'où vient ce coton? Ce coton vient d'Amérique. Ah oui? Alors, ça fait partie du plan Marshall? Ben oui, monsieur, ça fait partie du plan Marshall. Vous vous apercevez dans votre commerce, je veux dire dans votre relation quotidienne, des effets du plan Marshall? Énormément, monsieur, oui. Nous avons beaucoup plus de coton que nous avions jusqu'à maintenant. Est-ce que vous croyez que c'est grâce au plan Marshall que les prix de la textile ont baissé? Certainement, oui. Combien coûte ce slip? Ceci vaut 300 francs. Et combien est-ce qu'il coûtait l'année passée? 350 environ. Au revoir, monsieur, merci beaucoup. Il est un phénomène que l'on doit constater à l'heure actuelle, et s'en féliciter d'ailleurs, c'est que tous les gouvernements et tous les peuples sont en train de bâtir des plans. On ne se pose pas en général le problème de savoir à quel nombre d'hommes ce plan devra finalement servir. Nous devons donc être conscients de l'évolution démographique et de la possibilité que nous avons de la modifier. La France est un pays qui n'est pas assez peuplé. La population de la France est insuffisante eu égard aux richesses du pays. La population de la France est insuffisante pour subvenir aux frais généraux de l'État. La terre française peut et doit nourrir plus d'hommes. Ce qui nous imposera de prévoir une immigration dirigée. Car si un immigré représente bien un consommateur de plus, il représente également un producteur. Un immigré n'est pas, comme un enfant, un investissement à long terme. Le plan auquel le professeur Debré est arrivé est résumé dans les trois nombres que je vais vous lire. Compenser la mortalité, 30 000 jeunes vies humaines à sauver. Pour l'immigration, 130 000 étrangers à admettre. Pour la natalité, 160 000 enfants de plus à faire naître. Au total, 320 000 personnes à gagner par an. Le problème étant ainsi posé, il me semble devoir se subdiviser en trois parties que je vous proposerai d'examiner l'une après l'autre. Natalité, mortalité et immigration. Si vous permettez, je... Non, si je vous dis que le problème d'immigration me paraît le plus essentiel à traiter d'abord, c'est que c'est le seul qui puisse donner des résultats immédiats. Quels que soient les plans de natalité et de famille que vous puissiez envisager, et il est certain que s'il existe un problème démographique actuel, seule une immigration immédiate peut le résoudre. De quelle manière est-ce que l'on peut résoudre ce problème? Eh bien, c'est extrêmement difficile. Vous savez qu'avant la guerre, nous recevions d'Europe centrale, de Pologne, de Yougoslavie, de Tchécoslovaquie, chaque année un appoint de population assez considérable. Or, toute cette main-d'œuvre qui était particulièrement appréciée et dans les mines françaises et dans les milieux de campagne est actuellement tarie du fait que, en raison des faits de guerre, la Pologne, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie entendent conserver chez eux tous leurs ressortissants. Autre source nombreuse d'immigration d'avant-guerre, il y avait l'Espagne et le Portugal. Là, des raisons politiques que vous connaissez aussi bien que moi jouent, et actuellement, il est impossible de recevoir d'une manière normale, en dehors de quelques réfugiés politiques, une main-d'œuvre espagnole ou une main-d'œuvre portugaise de quelque importance que ce soit. Reste le grand réservoir que représente pour nous l'Italie, et qui était déjà extrêmement important avant la guerre, et qui se trouve extrêmement augmenté du fait que le chômage sévit terriblement en Italie. Eh bien, il y a donc là, semble-t-il, une source tout à fait normale de main-d'œuvre et d'appoint important pour ce qu'il nous manque. Il est difficile de parler après la propagande qui a été faite par les Hitlériens, de parler de questions qui appellent évidemment immédiatement la réaction raciste. Mais on peut poser cependant le problème scientifiquement. Il y a des différences ethniques entre les peuples. C'est bien évident, le Français a conscience d'appartenir à une collectivité qui est différente de celle de l'Espagnol ou de l'Italien ou de l'Allemand ou de l'Anglais. Chaque peuple a un peu une personnalité propre. Eh bien, en France, nous sommes au courant, à une confluence comme ça, d'un certain nombre de grands courants ethniques. Et notre personnalité est issue de l'équilibre qui s'est produit entre ces courants ethniques. Eh bien, il me semble que c'est une position satisfaisante de considérer que le problème ethnique peut être posé sur ces bases. Il s'agit de ne pas trop changer l'équilibre ethnique actuellement réalisé si nous voulons conserver notre personnalité. Vous semblez négliger, je pense que c'est volontairement, un autre aspect du problème qui est la possibilité pour les Français eux-mêmes d'avoir des enfants. Ah bien, donc, je crois que... Ils se sont vite. Oui, précisément, je crois que l'immigration d'un grand nombre de travailleurs suffirait à nous commander d'avoir un certain nombre d'enfants parce qu'il faut tout de même assimiler ces étrangers qui viendraient de différents pays et il faut avoir un minimum de population d'origine française dans ce creuset où viendront fondre et s'assimiler un certain nombre de nationalités étrangères. Par conséquent, je crois que la natalité reste le problème essentiel, celui qu'il ne faut pas perdre de vue. Mettre l'humain en chiffres, définir son identité. Une histoire d'hier et de demain, peut-être une histoire sans fin. Au sortir de la guerre, on peut aussi lire sous la plume de Jacques Prévert « Premier jour », publié dans le recueil « Paroles ». Des draps blancs dans une armoire, des draps rouges dans un lit, un enfant dans sa mère dans les douleurs, le père dans le couloir dans la maison dans la ville, la ville dans la nuit, la mort dans un cri, et l'enfant dans la vie. C'était Après-guerre, espoir et renouveau. Archivina Amélie Briand-Lejeune, mixage Philippe Mercher. Un documentaire de Doria Zénine et Marie Chartron. LSD pour aujourd'hui c'est terminé, bibliographie, lien ou pour nous écouter en temps de paix, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Jules Crétois et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter partout et tout le temps, le podcast, sur l'application Radio France, et pour nous parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pour ce lundi du livre, sachez que cette série n'aurait pas été la même sans Parole de Jacques Prévert, Ne nous libérez pas, on s'en charge, dirigé par Bibia Pavard, Jean d'ici, venu d'ailleurs, de Gérard Noiriel, Mai 68, Année politique de Philippe Artière, Détroit, dit-elle, de Marianne Rubenstein, et Je me souviens, de Georges Perec. Demain, deuxième épisode, Mai 68, sous les pavés, l'avenir, mais en attendant, restez à l'écoute.